Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Philosopher en bande organisée, une série d'Élise Gruau réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a le confinement qui rétrécit nos vies et les idées qui ne viennent plus, mais aussi le plaisir de penser ensemble, d'avoir de l'inspiration entre amis ou pourquoi pas de réfléchir en groupe de femmes. Alors pour commencer, les personnages. Une philosophe qui n'y pensait pas, une autre qui se rêvait philosophe, une femme qui a créé un collectif, une philosophe qui a répondu et des colleuses déterminées. Ensuite, le décor. Un canular, une minorité, le patriarcat pour changer, le bon côté des choses, le féminisme, la pensée, l'université, la violence, le pouvoir, des sauts, de la colle et des brosses, le sentiment d'imposture, la joie, la colère et des corps. Aujourd'hui, troisième épisode, on se pose une question. Mesdames, messieurs, chers amis, où sont les femmes? Où sont les femmes philosophes? À la fin des années 20, un philosophe méconnu de tradition orale lance haut et fort la question. Jean-Baptiste Botule est bien isolé, seul à oser formuler aussi abruptement cette interrogation. Où sont les femmes aux idées pleines de charme? Où sont les femmes? Il insiste, car de philosophe, il n'en distingue guère. À la tête d'État, d'empire, de parti, nous avons vu des femmes. Des poétesses, des romancières, nous en connaissons. Mais des femmes philosophes. Dans l'histoire de la philosophie occidentale, trois grands noms reviennent dans les manuels. Simone Veil, Simone de Beauvoir et Hannah Arendt. Trois noms concentré sur un seul siècle. Ce n'est pas beaucoup. Femmes, philosophes en bande. Alors que le philosophe fictif Jean-Baptiste Botule faisait part de sa stupéfaction, nous, des femmes philosophes, nous en avons trouvé, et plein. Certes, nous sommes en 2020, voire en 2021. Un siècle a passé depuis que Beauvoir et Veil ont accédé parmi les premières aux études de philosophie. Depuis, le féminisme s'est constitué et reconstitué plusieurs fois, et en nombreux collectifs, jusqu'aux tout récents événements portés par MeToo. Mais quand même, on sent bien qu'il y a encore de l'étrangeté, que ce n'est pas lisse, que l'héritage d'une si longue absence des femmes de la philosophie n'est pas sans trace. Alors aujourd'hui, qu'en disent-elles ? Vinciane Després, Geneviève Fraisse, Barbara Cassin, Isabelle Stengers, Bénédicte Zitouni et les autres de cette expérience, être femme et philosophe. Comment se pensent-elles ensemble? La philosophe des sciences Vinciane Després, qui travaille autant sur les oiseaux, les rats, les singes ou encore sur des morts passages, est la première à nous répondre. Vinciane Després, est-ce que le fait d'être une femme a compté dans votre parcours de philosophe? Eh bien, en fait, ça comptait pas, je le croyais. Parce que, pour moi, la question, elle se posait pas au départ. C'est rétroactivement qu'elle s'est posée, cette question. Donc, je vais dire, le fait que nous étions minoritaires, hein, moi, l'université qui m'a engagée, il y avait, dans tout le département en philosophie, donc je parle début des années 90, quand j'ai commencé comme chercheuse, comme assistante dans ce département, en fait, il y avait trois femmes. Il y avait la secrétaire, une collègue philosophe des sciences et moi-même. Et donc, nous étions très, très minoritaires. Et ça nous paraissait, je veux dire, on se posait pas trop de questions. On se disait, tiens, on a de la chance, et puis c'est tout. Et puis, il y avait bien sûr des petites différences. Il y avait des petites choses qui arrivaient. Il y avait le fait que, par exemple, on considérait mes objets comme, je dirais, originaux, pour être poli. Mais en fait, la plupart des philosophes plus anciens qui constituaient le département à cette époque considéraient que ce que je faisais, c'était absolument pas de la philosophie. Et ça ne les étonnait pas trop, puisque de la part d'une femme, peut-être qu'on pouvait s'attendre à des extravagances. Donc, mais je ne réalisais pas que c'était quelque chose qui était lié au féminin. Alors, c'était pas ma façon de faire de la philosophie qui était féminine. C'était des rapports qui s'étaient établis dans une structure extrêmement patriarcale, relativement machiste, très traditionnelle, qui faisait que le type de relation qui s'était établi entre mes collègues plus âgés, masculins et moi-même, eh bien, d'une certaine manière, sans le savoir, j'étais identifiée comme femme. Et alors, qu'est-ce que ça a changé? Ben, ça a changé quelque chose. C'est que, c'est rétroactivement qu'on le réalise. C'est que vous vous rendez compte que vous ne faites pas ce qu'il faudrait faire, que vous êtes tout à fait en dehors des clous, que ce qu'on appelle de la philosophie, ben, en fait, ben, vous ne méritez pas d'en faire parce que visiblement, vous n'êtes pas capable de le faire. Alors, il y a deux possibilités. Alors, la première, c'est celle à laquelle, généralement, comme femme, si on n'est pas soutenue politiquement, si on n'est pas soutenue par une vraie pensée, par des puissances féministes, et je ne l'étais pas, c'est de penser, bon, ben, je fais pas de la très bonne philosophie parce que je suis pas une très bonne philosophe, et si je fais des objets en dehors des clous, c'est parce que je suis pas capable d'être assez conforme, j'ai pas bien saisi, je suis pas bien cadrée dans le système, voilà. Et donc, vous partez du fait que vous êtes un peu mal équipée, en quelque sorte, mais vous ne liez pas ça à votre féminité, vous liez ça à votre histoire personnelle, vous en faites une histoire personnelle, voilà. J'ai pas fait les études qu'il fallait, j'ai pas eu le milieu socioculturel adéquat, enfin bref, vous pouvez, je suis trop paresseuse, trop indisciplinée. Je vais prendre le problème par le petit bout de la luette. Puisque les femmes n'ont pas eu voix au chapitre, serait-ce un problème d'organes, de cordes vocales? Soyons matérialistes. Évidemment, les poumons féminins ont de la ressource. Les comédiennes et les cantatrices le prouvent tous les jours, non par leurs cordes vocales, mais par leur coffre. Mais ce qu'on appelle la voix n'est pas seulement une émission de décibels et de fréquences oscillant sur un écran. C'est une façon de se projeter, de se tenir sur une scène, de se livrer au public. Prendre la parole. Qui est candidate? Et puis un beau jour, je lis, et ça a été pour moi un déclic, le merveilleux petit pamphlet de Frédéric Pagès, donc dans le groupe des inventeurs du faux philosophe Jean-Baptiste Botule, et il avait écrit un merveilleux petit livre qui s'appelait « La philosophie ou l'art de clouer le bec aux femmes ». Et donc il met en scène son personnage Jean-Baptiste Botule qui se promène à la Sorbonne et qui cherche « Mais où sont les femmes ? Mais où sont les femmes ?» et qui se rend compte que la plupart des femmes sont sous forme de statues nues, de statuaires nues dans les couloirs glacés de la Sorbonne. Et donc en lisant ce livre, je me suis rendu compte en fait que Pagès, avec un mordant qui est vraiment le sien, se rendait compte que les femmes était très absent de la philosophie. Et il va poser le problème autrement que ce qu'il pose. Il va penser, mais tiens, tout compte, pourquoi est-ce que les femmes sont si peu présentes dans le domaine de la philosophie et quels sont les domaines qu'elles ont explorés? Alors d'une part, il va constater que faire de la philosophie comme un homme et faire de la philosophie comme une femme, ça n'a peut-être pas la même signification. Il dira à un moment donné, si c'était une femme qui avait écrit le banquet de Platon, on aurait su ce qu'il y avait dans les assiettes ou bien elle aurait été peut-être pointée son nez dans la cuisine pour savoir ce qui s'y tramait. Et je réalise à ce moment-là que rétrospectivement, à l'histoire qui était celle que je m'étais racontée jusque-là, je suis pas reconnue parce que je fais pas ce qu'il faut, d'un seul coup, il propose une toute autre version aux femmes. Et il propose une autre version en disant, les femmes ne font pas de la philosophie en tissant des concepts à la chaîne, ne font pas de la philosophie comme un moment de polémique dont on peut sortir avec des grands élans de dignité, avec des grands effets de manche, parce que ça ne les intéresse pas. Et d'un seul coup, vous pouvez à ce moment-là reprendre votre histoire et la revisiter en disant « Et si, en effet, c'est pas du tout une question de mauvais équipement, une question de mauvaise attitude, de mauvais passé, de bref, de tout ce qu'il y a de mauvais qu'on peut dire parce qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait le faire. » Et puis, tout à coup, vous le revisitez en disant « Et si ça avait été quelque chose, une liberté qui m'a été offerte du fait d'être femme ?» Et ça devient intéressant. C'est-à-dire d'avoir peu de goût pour ce qui se faisait, mais d'avoir aussi reçu, assez étonnamment et très paradoxalement, la liberté de ne pas le faire, puisque de toute façon, on était exclus des enjeux. D'une certaine manière, le fait de, à un moment donné, vous rendre compte que vous n'arriverez pas, parce que vous n'en avez pas le goût, ou parce que c'est pas possible à faire ce qu'on attend de vous, eh bien vous avez une liberté formidable, si tant est que le système l'autorise, ce qui n'est pas toujours le cas, et qui à mon avis le sera de moins en moins, vous avez une liberté formidable de commencer à faire ce qui vous intéresse vraiment, et même à chérir vos objets, parce que ce que vous avez choisi, c'est pas parce que ça a été dicté par les conventions académiques, mais parce que vous avez choisi vraiment des choses qui vous passionnaient, et vous pouvez chérir vos objets et rester avec eux assez longtemps pour bien les connaître. Nous ne sommes pas naïves. Nous savons que pour certains et certaines, nos problèmes sont suspects, susceptibles de déshonorer la philosophie. Hypnose, drogués, sorcières, cratéropes, paysans, morts pas tranquilles, des problèmes pas sérieux. D'autant moins conventionnels que nous étions peu intéressés à les prendre pour prétexte afin de marquer un point contre d'autres philosophes. ou alors juste assez pour dégager l'espace qui nous permettait d'essayer de bien les traiter. Extrait des faiseuses d'histoire, ce que les femmes font à la pensée. Après la lecture de Frédéric Pagès, les philosophes Vinciane Després et Isabelle Stengers se sont demandé si elles avaient, elles, vécu une expérience de la pensée proprement féminine. Et elles ont décidé de partager ce champ de réflexion avec d'autres femmes pour qui la pensée compte. Avec celles qui ont répondu, elles ont formé un « nous », un collectif, le temps de composer ensemble ce livre où elles se nomment « Les faiseuses d'histoire ». Vous, Geneviève Fraisse, comment êtes-vous devenue philosophe ? C'est un désir que j'avais depuis le tout début de mon adolescence. C'était, je suis née dans une communauté d'intellectuels, les Murs Blancs, au sud de Paris. Je trouvais que ça manquait de quelque chose. Donc la philosophie me paraissait être l'endroit où ça serait plus sûr du point de vue de la pensée. Et c'était, me semble-t-il, là où je trouverais une rationalité supérieure à celle que j'entendais chez ces intellectuels, principalement hommes, bien sûr. Et la philosophie m'est apparue comme ce qui était le pas de plus à faire. Là, j'ai fini de se taire en petit. Allez, c'est bon. Geneviève Fraisse, vous êtes philosophe de la pensée féministe. Comment le fait d'être une femme a compté dans votre façon de devenir philosophe ? C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire comment devenir philosophe m'a obligée à réaliser que j'étais une femme. Ça avait plusieurs conséquences, pas seulement celle de la disqualification propre au sexe féminin, mais aussi tout simplement au fait que cet objet n'était pas traité dans le champ philosophique. En tout cas, au tournant des années 68-70, qui sont celles de ma formation d'étudiante en philosophie. Et on va faire deux groupes parce que ça fait un peu, on est un peu trop nombreux, un peu trop essaim d'abeilles, quoi. Assis. Il n'y en a pas là. Je suis dans la colle. Ouais. T'as mis toute l'eau, je veux dire ? Non, j'ai pas tout mis. Ah. Je comprends que les philosophes ont un doute quant à la capacité de raison, c'est le mot raison qui va me venir, des femmes, ou à la place, enfin il n'y a pas d'égalité. On vous signale que vous n'êtes pas conviés dans cet espace-là. Donc nous sommes après 68, nous sommes en 68 puis après 68, le mouvement des femmes démarre, le féminisme commence à prendre de l'importance, j'en suis tout enthousiaste. Et évidemment, ça va s'entrechoquer avec la lecture des philosophes. Et vous parlez de votre traumatisme Spinoza. Ben oui, quand on dit le délirant, la bavarde de l'enfant, voilà, on est entre l'œil fou et les enfants. C'est dans l'éthique, corollaire comme ça, qui va avoir cette formule qui va me faire réfléchir après. Chez Aristote, c'est avec l'esclave et l'enfant. Donc ce sont les figures exclues de la raison. C'est des figures, en tout cas, qui sont différentes de la figure principale, donc qui sont nécessairement marginalisées ou disqualifiées. Ça devait être d'une grande violence pour vous, jeune femme, vous engageant dans la philosophie pour justement aller plus à fond dans le langage, dans la pensée, dans la rationalité, de découvrir auprès des philosophes, non seulement Spinoza mais d'autres, cette disqualification de la femme du domaine de la pensée. Alors, c'est une violence et c'est en même temps ce qui m'a donné toute mon énergie, parce que on est effectivement dans l'époque qui a énormément compté pour moi d'après 68 et du début du féminisme. Donc je suis à la fois très seule dans le champ philosophique, mais en même temps l'histoire m'accompagne. Donc je vais trouver dans le féminisme l'espace où je comprends, et non pas je décide, je comprends que ça pense. Le féminisme, ça pense. On disait, c'est hystérique, on l'a encore vu récemment. Hein. Elles sont hystériques, elles savent pas ce qu'elles disent, elles sont excessives, ça déborde, il faut qu'elles redeviennent raisonnables, etc., etc. On l'entend encore en 2020, hein, pas seulement en 1970. Et moi, j'entends bien tout de suite, dans les slogans, ou dans les articles, dans les textes, dans le jeu de torchon brûle, ou dans Partisan, ou dans toutes ces revues, que ça pense. Donc c'est pour moi immédiatement un rétablissement, hein, c'est comme quand on fait de l'acrobatie, un rétablissement, et je vais partir à la recherche de cette pensée féministe. En quoi l'expérience des collectifs de femmes, du mouvement MLF et des différents collectifs qui s'affirmaient à cette époque de libération de la femme, venait nourrir la pensée philosophique, la vôtre? Alors, il faut savoir qu'il y avait très peu de jeunes philosophes dans le féminisme. Il y a très peu de femmes philosophes dans le mouvement des femmes dans les années 70. Et j'ai participé à de très très nombreux collectifs, aussi bien la revue Révolte Logique, aussi bien les historiennes, le groupe qui s'est réuni pendant donc très longtemps, centre de recherche historique à l'école des hautes études, aussi bien le Collège international de philosophie. Voilà au moins trois lieux où je suis dans l'appartenance, avec une sorte de spécificité, même chez les historiennes. Je suis la seule qui travaille sur la pensée féministe. Donc, j'ai l'habitude à être à part, on va dire, à part mais dedans. Et ça veut dire s'ancrer dans le présent pour le philosophe ? S'ancrer dans ce qui est en train d'être pensé. C'est ce qui est en train de... C'est l'histoire des mentalités, c'est l'histoire sociale, c'est l'histoire de la vie privée, c'est l'histoire orale, etc. etc. Qu'est-ce qui est dit ? Et à partir de là, moi, je vais être confrontée et au texte du passé et au texte du présent, ce qui est en train de s'écrire. Et là, à partir de là, il ne s'agit pas de s'ancrer, il s'agit d'en extraire quelque chose. C'est-à-dire comment extraire le concept de ma mise à l'épreuve de l'histoire. Vous avez, Vincent Després, avec Isabelle Stengers, publié un livre qui s'appelle « Les faiseuses d'histoire, que font les femmes à la pensée ?» où vous avez, à partir d'un texte de Virginia Woolf, interpellé d'autres philosophes, femmes. Pourriez-vous nous décrire votre point de départ, qui était le texte de Virginia Woolf, « Les trois Guinées » On a pris un texte très particulier, qui est une lettre qu'elle va envoyer à un de ses correspondants. C'est un homme qui lui demande, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, qui lui demande d'intervenir pour sauver la liberté intellectuelle en pensant que ça va sauver de la guerre. Et Virginia Woolf va répondre une lettre extrêmement ferme et difficile dans laquelle elle va refuser. Elle dit mais vous nous demandez de rejoindre cette procession intellectuelle des intellectuels dont nous avons toujours été exclus. Alors c'est pas du tout sur le mode du ressentiment qu'elle invoque cela, mais elle dit mais qu'est-ce que c'est que cette procession d'hommes civilisés? Vous nous demandez de rejoindre des valeurs avec lesquelles nous ne pouvons pas adhérer. Vous nous demandez de considérer que ce que vous appelez civilisation, finalement c'est tout sauf civilisé. Ce sont des polémiques, ce sont des rivalités, c'est la course aux honneurs. Et elle va conseiller aux femmes de ne pas aller à l'université, d'y aller à l'université pour y étudier, mais de ne pas chercher des postes académiques, de ne pas faire partie de cette procession de ce qu'elle appelle les hommes cultivés, de cette procession d'hommes si violents, si pétris de grands idéaux, si égoïstes, si peu généreux. Et donc elle va dire aux femmes, apprenez un métier, soyez autonomes, étudiez, mais ne recherchez pas les postes. Là on a collé féministe tant qu'il le faudra. C'est bon. Vous le savez par expérience, et les faits le prouvent. Les filles d'hommes cultivés ont toujours pensé au jour le jour. Elles n'ont pas exercé leur réflexion devant des tables de travail, dans le cloître d'un collège réservé à l'élite. Elles ont pensé tout en remuant des casseroles, tout en balançant des berceaux. En vérité, il nous faut penser. Pensons dans les bureaux, pensons dans les autobus. Pensons tandis que, debout dans la foule, nous regardons les couronnements ou les défilés du Lord Mayor, dans la galerie du Parlement, dans les chambres de justice. Pensons au cours des baptêmes, des mariages et des funérailles. Ne nous arrêtons jamais de penser. Think we must. Il nous faut penser. Il y a plusieurs choses qui sont croisées. Donc, il y a le texte de Virginia Woolf qui nous réunissait Isabelle et moi et qui nous avait été inspirée en fait par la très belle thèse, le très beau titre de thèse qu'avait fait notre amie Maria Puig de la Bella Casa, qui est une philosophe, qui avait traduit Woolf de manière assez intéressante en inversant le sujet, c'était « penser nous devons » plutôt que « nous devons penser ». C'était vraiment une affirmation, une revendication « penser nous devons ». En tant que femme, Virginia Woolf emploie cette expression « think we must ». Oui, c'est ça. Et la question qu'on se posait avec Isabelle Stengers, évidemment, c'était de dire « penser nous devons, d'accord, Mais nous avons été infidèles à Virginia Woolf puisque nous sommes à l'université et la plupart de celles à qui nous nous adressions avaient elles-mêmes accepté d'être à l'université. Que faisons-nous de cette situation ? La violence des positions de pouvoir dans l'université, la violence elle-même de l'université, ben, d'une certaine manière, même si nous n'étions pas d'accord, même si nous imaginions pouvoir, en étant à l'intérieur de l'université, changer les choses, est-ce que nous n'étions quand même pas en train de collaborer à cette violence ? Et alors, quelle réponse a livré ce livre collectif ? Alors, il n'y a pas vraiment une réponse à ce livre collectif, c'est plutôt un processus de pensée, c'est-à-dire comment penser tous les paradoxes de cette situation dans laquelle nous sommes. Donc, on n'a pas apporté de réponse, on a juste dit... Alors, il y a des petites réponses, il y a des réponses de dire... Mais, comment est-ce qu'on en sort par rapport à ce paradoxe-là? Comment est-ce qu'on en sort par celui-ci? Comment est-ce qu'on en sort par rapport au... Je prends par exemple le texte de Bénédicte Zitouni, où elle dit par exemple, eh bien, il y a quelque chose que je ne peux plus faire avec mes étudiants, parce que comme femme, j'en ai été tellement témoin et victime, c'est d'essayer de leur expliquer des choses. Elle se souvient, petite, du nom... Vous savez ce qu'on appelle maintenant, ce que les Américaines, les féministes américaines appellent le mansplain, ces hommes qui ont toujours besoin de vous expliquer et tout, et qui parfois vous posent une question. Question rien que pour le plaisir et la joie de vous expliquer quelque chose. Savez-vous ceci ou avez-vous lu cela ? C'est ce qu'on appelle donc le mansplain. C'est donc les hommes qui expliquent. Et elle dit, j'ai été tellement outragée de voir cette attitude que les hommes se sentant si toujours supérieurs et besoin toujours de se mettre dans cette position de supériorité, qu'il m'est très difficile aujourd'hui, quand j'enseigne, de me mettre à expliquer quelque chose à mes étudiants. Et donc je suis obligée de toujours essayer de voir avec eux où ils sont, ce que eux savent, pour essayer de voir comment on échappe à cette tentation explicative permanente que permet l'université ou même qu'elle favorise. Donc, il n'y a pas une réponse globale, ce sont plutôt des réponses très concrètes et très locales de tout ce que nous avons essayé d'inventer et d'imaginer pour résoudre le paradoxe dans lequel nous étions. Là, il y a un mur, hein. Voilà. En fait, on rentre le vent, En fait, ce qu'on partage, et je pense que ce qui en a résulté pour moi, c'est de la puissance. C'est-à-dire le fait de pouvoir d'abord savoir à quel point les femmes peuvent être des alliées précieuses dans ce genre de situation, c'est-à-dire essayer de penser ce qui nous est arrivé, ce qui nous arrive, et comment transformer ce qui était autrefois défini comme une faiblesse en une force. Ne fût-ce que, par exemple, un manque d'appétit pour les polémiques. Comment est-ce qu'on transforme ça en force? Comment est-ce qu'on se sent plus fort après de dire non, merci, ça ne m'intéresse pas? Et deuxièmement, des formes de puissance aussi, dans la mesure où toutes ces femmes qui ont accepté de participer avec nous à ce travail sur la pensée, sur ce que voulait dire penser pour nous, mais j'ai appris énormément de choses. Je pense par exemple à ce que Barbara Cassin disait, du fait que les femmes font face. La dignité, par exemple, n'est pas quelque chose qui... ces grands idéaux de dignité que nos collègues masculins parfois peuvent même brandir dans les réunions, etc. C'est pas vraiment quelque chose qui nous intéresse, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on fait face et comment on peut même accepter, parce qu'on n'en fait pas une question d'honneur et de dignité, de perdre la face simplement parce que la situation l'exige. C'est se mettre à la disposition et essayer d'être à la hauteur des situations et non pas essayer, nous, de nous grandir dans les situations, ce qui est très, très différent. Et là, j'ai vraiment appris aussi sur la question de l'imposture. Je me souviens d'une réunion finale où on se réunissait toutes à Paris, notamment chez Barbara Cassin, où à un moment donné, ben, l'une d'entre nous, et c'était moi en l'occurrence, l'aurait confié, vous savez, ce qui a été si difficile aussi en tant que femme, c'était d'avoir tout le temps le sentiment d'être une imposteuse, comment est-ce qu'on dirait, une imposteur, qui allait se faire découvrir, et que j'ai reçu en réponse un grand éclat de rire, mais qu'est-ce que tu crois, nous aussi? Et où je découvrais, en fait, que le sentiment d'imposture, le sentiment qu'on n'était pas à sa place, c'était quelque chose qui avait traversé toutes nos vies, alors que ces femmes étaient tellement plus avancées dans leur carrière que moi, et je ne m'y attendais pas du tout. Et puis découvrir aussi la joie que les femmes peuvent cultiver ensemble, et qui est très, très particulière. Qu'est-ce que ce serait cette joie que les femmes peuvent cultiver ensemble ? Oh, c'est un mélange assez complexe, le sentiment de la transgression, on sait qu'on n'est pas à notre place. On sait qu'on n'est pas à notre place et on y est quand même. Je veux dire, on nous a tellement répété qu'on n'était pas à notre place qu'on a fini, mais non plus par l'intérioriser sur le mode d'un accablement ou d'une accusation, mais au contraire le revendiquer. Nous ne sommes pas à notre place parce que personne n'y est et nous devons garder ça en tête. Ce qui nous permettra en effet de continuer à penser personne n'y est à cette place. Ça, c'est déjà une chose importante. Il y a aussi de la joie parce qu'il y a des complicités terribles entre les femmes. Les femmes qui se mettent au travail de la pensée ensemble, j'ai vu voilà, il n'y avait pas de rivalité, il y avait juste le désir de faire le mieux qu'on pouvait, le désir d'être le plus généreuse possible. Et là, c'est de la joie. Puis il y a le troisième point, c'est aussi la question de la confiance. C'est que ce travail faisait grandir la confiance entre nous. Par exemple, par moment d'exposer, et ça c'est les féministes qui nous ont appris ça, que le fait par exemple de considérer que ce qui est privé est politique et que le partage du privé politise le privé. Que par exemple raconter des histoires personnelles permet de politiser ces histoires personnelles, notamment par un « nous aussi ». Et cette joie, elle était vibrante et palpable. Barbara Cassin, vous êtes philosophe, philologue, académicienne, et vous avez répondu à un appel, à une lettre de philosophes, Isabelle Stengers et Vinciane Després, qui vous ont adressé une demande qui est devenue un livre, Les faiseuses d'histoire, sur ce que les femmes font à la pensée. Je me souviens que je leur avais parlé, je leur avais dit que je me mettais à penser quand j'étais en colère. Je parle de la colère comme d'un sentiment qui me fait agir comme femme en philosophie. Et ce ne sont pas des colères inamicales, ce ne sont pas des colères d'inimitié, mais c'est des colères qui font réfléchir philosophiquement. Et je dirais que, par exemple, c'est quand j'ai travaillé avec Alain Badiou, enfin je continue à travailler avec lui et c'est un grand ami, mais travaillant avec lui dans sa description d'une pensée femme, une pensée autre, une pensée féminine, qui relançait la philosophie faite par les hommes, la philosophie des femmes, comme une impulsion supplémentaire, un aiguillon à penser encore plus loin pour finalement les mettre. Et justement, nous ne sommes pas seulement des empêcheurs, des empêcheuses de penser en rond. Nous ne faisons pas que de la relance. Nous faisons de l'autre. Comment ? Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Voyons comment on fait un pas de côté. Comment ça, on change les cadres. Et comment parler de cela ? Barbara Cassin, vous, comment êtes-vous entrée en philosophie ? C'est-à-dire que je me suis toujours sentie élève. J'ai toujours eu envie d'entendre des gens m'apprendre des choses. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme ou parce que je me suis retrouvée très jeune dans des situations où les autres étaient plus âgés, ce qui est possible aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai toujours eu envie de m'être pour pouvoir comprendre comment ça n'en était pas ou pourquoi ça n'allait pas continuer à en être. Mais j'avais quand même besoin de cette figure-là, du maître. Et il se trouve que j'en ai beaucoup rencontré. Il se trouve que peut-être la première fois, je ne sais pas si c'est la première fois où j'ai fait de la philosophie, mais la première fois où j'ai été confrontée à des philosophes, avec peut-être un grand P ou je ne sais quoi, c'était quand même au séminaire du Thor, après 1968, donc en 1969, j'avais 22 ans, j'étais la seule femme, et je me retrouvais avec Heidegger, avec René Char, et avec des professeurs, on va dire, patentés, François Fédier, par exemple, et puis des gens qui étaient plus avancés que moi. Et donc, mon désir de maître était certainement comblé, tellement comblé que ça ne pouvait pas résister longtemps. Et que je me suis toujours demandé en même temps, peut-être je peux dire les choses comme ça, de manière un peu plus philosophique, la première question philosophique que je me suis posée à moi-même, c'était « peut-on être autrement présocratique ?» C'est-à-dire autrement que comme Heidegger le pense. C'est-à-dire autrement que, en voyant dans Parménide le poème originaire d'une Grèce aurorale, dans une langue authentique, enraciné dans une race et dans un peuple, comme il dit. Et donc, évidemment, tout cela me faisait déjà peur. C'est terrifiant parce qu'on voit immédiatement disons, le totalitarisme et le nazisme et la pureté de la race et de la langue. Bon, donc évidemment que c'est terrifiant. C'est vrai que c'était magnifique, Parménide. Le poème de Parménide est un poème extraordinaire, justement, parce que, d'une certaine manière, c'est un poème qui fabrique la langue grecque en même temps qu'il s'en sert. Et il la fabrique, on peut dire, comme de son côté Homère fabrique la langue grecque en même temps qu'il s'en sert. Donc c'est un poème où la langue comme telle joue un rôle considérable. Mais peut-on dire pour autant que c'est une langue enracinée dans une race et dans un peuple? Peut-on dire pour autant que c'est une langue authentique comme l'allemand et aucun autre? L'allemand encore plus grec que le grec? Bien sûr que non. Mais pour arriver à dire non, il faut se donner du mal, c'est-à-dire il faut se donner des armes, il faut être fort. C'est pour ça que je me suis décidée à être philosophe et philologue, pour me permettre d'être autrement philosophe et autrement philologue que Heidegger. Et donc, pour ça, j'ai été chercher d'autres maîtres. Il y avait beaucoup de chemin à parcourir pour invalider l'intelligence heideggerienne du grec et de la philosophie présocratique. Bon, et j'ai pensé qu'à un certain moment, il fallait changer la donne et ne pas chercher à vaincre, à dépasser celui qui vous dépassait. Et ça a été votre entreprise, à vous ? Ben, un peu. Enfin, maintenant et vu d'ici, oui, j'ai toujours pensé qu'il y avait un moment, Nietzsche parle de la haine mortelle des sexes, il y a un moment où il faut arrêter ça. Et il ne faut pas vouloir surpasser la prise. Mais peut-être changer. Changer de lutte. C'est toujours rester dans un rapport dialectique, dans les voilà. Définitions même du dominant. Absolument. Un contre-torpilleur est d'abord et avant tout un torpilleur. Bon, ça c'est une phrase de Jean Beaufret que je trouve magnifique. Elle est tellement vraie. Donc on va sortir de ça. Faire un pas de côté, faire un peu de l'autre, autre chose, autrement. Elle est pleine ou elle est vide? Elle est deux. Ça va alors? Alors on était seul. Ah oui, ok, c'est parti. C'est pas mis assez près, si? Si, si, si. Ça dépend de la taille du slogan. On peut pas la décaler là. Bon, on verra, comptez. Je suis ici, hein. Ça va, elle est plutôt là. Alors, dormir n'est pas consentir. Donc, consentir, il faudra que tu partes bien à gauche. C'est bon. En niveau hauteur, c'est bon, tu progresses. Vous, Barbara Cassin, femme philosophe, académicienne, vous avez entrepris cette grande aventure philosophique du dictionnaire des intraduisibles, qui était justement une autre façon de philosopher, une façon collective, avec ce dictionnaire européen. Oui, des philosophies. Le vocabulaire européen des philosophies, dictionnaire des intraduisibles. Et qu'est-ce que cette expérience de collectif, de rédacteurs, de penseurs, des mots, de leur traduction, des concepts, vous a apporté à vous en tant que philosophe? C'est-à-dire que j'ai compris qu'on philosophait en langue avec un S, qu'on philosophait pas par concept, mais avec des mots, et que ces mots comptaient. Parce que, si vous voulez, les mots qui sont sortis, ce sont des mots qui viennent des textes philosophiques en langue. C'est les mots qui paraissent clés et difficiles, non transposables directement. Et c'est pas seulement les mots, c'est évidemment aussi les dispositifs de pensée, les faisceaux de termes, et même la syntaxe. Et même fortement la syntaxe, parce que le verbe « être » est-il toujours copule? Y a-t-il toujours un verbe « être » ? Y a-t-il toujours un féminin, un masculin, un autre? Bien sûr que non. Bon, et comment exprime-t-on le temps? Et le rapport entre le temps et l'aspect? C'est infiniment différent selon les langues. Et là, il se passe des choses fondamentales. Le fait qu'il y ait deux verbes être en espagnol, qu'il n'y en ait pas dans certaines langues. Bon, c'est très très intéressant. S'occuper de la traduction, s'occuper des langues, ça n'est pas nouveau. Sauf que partir du multiple, penser que ce qu'il y a, ça n'est pas la langue. Il n'y a pas die Sprache. Mais il y a des langues, comme disait Humboldt. Il dit, moi, j'ai jamais rencontré la langue. Non, j'ai jamais rencontré des langues. Je trouve ça génial. Partir des langues, partir de la diversité en tant que telle, ça, c'est peut-être une manière profondément politique de faire de la philosophie et peut-être profondément féminine. Partir de la diversité, moi, ça m'a paru, à l'époque, une nécessité, quelque chose de l'ordre de la vadrouille par rapport à la norme philosophique. Et qu'en somme, la caractéristique universelle de Leibniz, qui imagine qu'on va réduire les pensées en identiques et que cela va faire un langage universel, tellement universel que ça sera comme les mathématiques, et que quand des philosophes se rencontreront, eh bien, ils s'asseyront en disant « calculemus, calculons », et à ce moment-là, une erreur dans la pensée se verra comme une erreur de calcul. Cet idéal d'universalité, c'est un... ça n'est pas le mien, en fait. Je comprends que ça soit un idéal philosophique, mais je trouve que c'est un idéal d'abord suspect. C'est-à-dire que je pense que l'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un. Et que si on cherche l'universel, on oublie que c'est son universel qu'on cherche. Et l'interdisciplinarité, la diversité des langues, le point de départ du multiple et du divers, bon, je dis, voilà, ça c'est quelque chose que je sens comme appropriable, de manière féminine, dans ces croisements, dans ces promenades, dans le fait d'affronter tout le temps la difficulté. M'est apparu qu'il y avait quelque chose comme ça du côté femme de nous-mêmes. C'est Derrida qui parlait du côté femme de lui-même. Je ne veux pas dire que c'est une philosophie de femme, mais c'est un côté femme de la philosophie. Il se trouve, it happens, c'est comme ça. C'est comme ça, et on a les mains dans le cambouis. S'il y a du genré, c'est ça. C'est, en ce moment d'ailleurs, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais je dis que là, bon, ici et maintenant, pour moi, les femmes, elles ont les mains dans le cambouis. Et il se passe quelque chose là, dans le singulier, dans le divers, dans l'inter, dans le entre et dans le avec, qui est plutôt genré, femme. Et... pour moi, qui suis très sensible à ce qui se dit, à la langue, au langage, aux mots, il se trouve que ça prend la forme de phrase. Je ne sais pas... vous voyez comment ça, comment ce que je vous raconte, n'est pas en prise sur la vérité avec un grand V. C'est pas en prise sur l'un, sur l'unicité de la vérité. Ces catégories universelles, vérité, un, bon... enfin, c'est ça, en tout cas, qui m'éloigne de la philosophie traditionnelle et telle qu'elle est, quand même, pratiquée par les philosophes hommes, puisqu'il n'y a que ça, en gros. Je veux dire, qu'il s'agisse de Platon, d'Aristote ou de Hegel. Ou, bon, là où ça devient un peu plus philosophe femme, c'est avec Nietzsche. Bon, ou peut-être avec Spinoza, j'en sais rien. Enfin, bon, il y a des lignées comme ça. Disons que la tradition... qui va de, on va dire, de Parménide à Heidegger, elle est quand même très, très mono quelque chose. Donc c'est hors ça que je situerais une pensée genrée autrement. C'est malin. Non mais du coup on remonte vers le nord là, donc on cherche un mur. Si vous assistez à un collage, moi je serais volontiers présente. Quoi. Ah ouais, d'accord, ce vraiment, serait super. J'adorerais, ouais. Ça m'intéresse beaucoup ouais. De les voir faire. Je trouve ça magnifique en général. Nous sommes les filles, les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. Je trouve ça vraiment, là je l'ai vu pendant une éternité puisque c'était à côté de chez moi. Je trouve ça extra. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Céder n'est pas consentir, enfin c'est très beau. Mm-hmm. Je trouve que c'est très très pertinent tout le temps. Ouais, c'est pas, suis-moi sur l'application. Suis-nous. Voilà. Les collages se passent généralement quand, quand le soleil tombe. Pour pouvoir coller, il faut avoir préparé des slogans en amont, qu'on peint parfois en communauté, quand on a des lieux assez grands pour le faire. Sinon, on peint chacune et chacun chez nous. Les slogans, on les met ensuite dans un sac. On a besoin de colle, de litres d'eau, on a nos seaux, nos brosses. On se retrouve et on colle. On essaye de coller en hauteur pour que ce soit le moins enlevé possible. On est capable de monter assez haut pour faire en sorte que les messages ne soient pas enlevés. Le but, c'est de placarder sur les murs des grandes lettres noires ou rouges sur un fond blanc pour délivrer un message dans l'espace public. De réapproprier cet espace public avec notre corps de femme ou de minorité de genre qui n'est pas le bienvenu dans cet espace public d'habitude. Nous, on voit bien quand on se promène en groupe qu'on croise surtout des hommes et que notre présence n'est pas la bienvenue. Par exemple, Geneviève Fraisse, on peut prendre peut-être le concept de corps que vous avez particulièrement travaillé, de faire émerger quel est le concept de corps et de corps de la femme qui passe à travers les textes. Le droit de l'habeas corpus et le corps collectif, c'est ça qui s'est joué dans le passage d'un siècle à l'autre. Ce qui apparaît, c'est qu'après ces deux siècles où on se bat pour avoir la même raison que les hommes, ça prend quelques siècles de modernité pour l'accepter. Et quand je suis au XXIe siècle, à ce moment-là, c'est autre chose qui apparaît. C'est la question du corps qui devient importante et on en a la démonstration magistrale avec MeToo il y a 3 ans. Et à ce moment-là, la question du corps intervient comme corps collectif. Ce ne sont plus l'addition des corps individuels. C'est un corps collectif et le corps collectif, ça veut dire que le corps des femmes, donc au singulier, n'est pas pensé correctement depuis 3 siècles, depuis les penseurs du contrat social. Alors, il n'est pas pensé correctement puisqu'il a été sans cesse mis sous le tapis. On n'en parle pas. C'est pas ça le sujet. Rousseau le dit très bien, mais Locke et d'autres aussi. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la société civile, la fin de la monarchie, ou quel est le pouvoir, etc., etc. Donc, c'est un sujet qui n'est pas dit tout en étant explicité dans la pratique quotidienne, juridique, voire judiciaire. Ça alimente le contrat social sans être visible. Je me demandais ce qui allait se passer au XXIe siècle. Mais c'était une évidence, après j'ai pensé que c'était une évidence. C'est que le corps surgit de son impensé. Et dit, bon, maintenant, le corps des femmes fait partie d'une question politique. Je ne sais pas ce qui va advenir de ce corps. D'autant que la multiplicité des sexualités va sans doute changer la donne. On passe au multiple, et non plus au même et l'autre. Donc, à partir de là, je ne sais pas ce que va devenir ce corps. Mais ce corps avait été réduit, pas à sa plus simple expression, mais réduit à être à l'objet d'échange, à être l'objet consommable, ou l'objet à qui on accorde tel ou tel droit parce que... Mise à disposition des hommes. Oui, mise à disposition des hommes, mais aussi du côté des droits. Divorce par consentement mutuel seulement en 1975, après avoir été enlevé en 1792. Avortement, contraception, donc des droits individuels pluriels ont été acquis. Mais le corps collectif, c'est autre chose. C'est-à-dire quand MeToo dit « nous ne supportons pas ça », elles sont plusieurs à le dire. Et ce plusieurs à le dire, ça dénote une représentation politique du corps. Mais je ne sais pas ce qui va advenir de ce corps. Sauf qu'il faut, et c'est ce qui est en train, nous sommes en train de le vivre, il faut le prendre en compte. Bon, j'ai que des noms, donc ça va être « qui ne dit mot ne consent pas ». Donc je peux vraiment partir à gauche. C'est donc un corps collectif. Et ça, c'est bien embêtant pour la domination masculine. C'est ça qui, je pense, va marquer le siècle. Faut mettre la dose là, parce que ça... Ouais, j'ai l'impression que ça boit beaucoup. Comment fonctionne votre mouvement, votre collectif ? Alors, c'est un mouvement plus qu'un collectif, parce que c'est une forme de nébuleuse, c'est quelque chose dont tout le monde peut saisir pour utiliser, entre guillemets, l'arme des collages. C'est très facile comme méthode, donc tout le monde peut le faire, et tout le monde peut mettre sa rage dans ce combat de cette façon. Pourquoi c'est un mouvement et pourquoi on n'est pas constitué ? Parce qu'on sait très bien que le collage sauvage est illégal, et qu'à ce moment-là... Chaque personne qui le fait sait qu'elle se met en danger au niveau légal. Comme ce qu'on fait n'est pas très légal, on ne dit pas comment on s'organise. Mais en tout cas, nous sommes nombreuses, déterminées, organisées. on est efficace dans l'espace public, on sait comment faire maintenant pour se le réapproprier, pour que nos messages soient clairs, forts, puissants. On les travaille beaucoup pour qu'ils soient lisibles et entendables et percutants. Tous les jours, vous avez des équipes dans Paris qui vont tapisser les murs de Paris avec nos slogans, tous les jours, tous les quartiers. Comme nous sommes 2000 à Paris, c'est très simple. Alors attends, je vais te montrer une technique. Ah non, tu es des notes, mon mauvais pied. Hop, alors, on va prendre ça. Quelqu'un peut venir coller derrière? Ah, je pensais que c'était. Enfin, je sais pas, regarde, c'est juste pour lui montrer. Hop, tu fais glisser. Comme ça, t'es pas obligé de les enlever toutes. Et ça, c'est une émergence assez nouvelle. Quand on regarde l'histoire, il y a toujours eu des petits soulèvements un peu partout. Cependant, aujourd'hui, c'est qu'on a les outils qui permettent de nous fédérer. Internet est un grand vecteur pour nous fédérer. On est serrés en rang de sœurs et c'est absolument fabuleux. C'est une énergie incroyable. C'est prenant. Et quand je vois les nouvelles générations qui sont encore plus rapides sur la déconstruction parce qu'elles ont eu plus d'outils que ma génération, j'ai 31 ans. Je suis pas très âgée, mais je suis déjà parfois très âgée par rapport à d'autres activistes. Quand on voit cette nouvelle génération de féministes qui arrive, on dit d'elles qu'elles sont radicales, mais pas du tout. Et puis on disait au temps de Gisèle Halimi également qu'elle était radicale, qu'elle allait trop loin. On dit, j'ai lu ça des colleuses et des colleurs, qu'on était le black bloc féministe. On dit de nous qu'on va trop loin, mais comment aller moins loin, sérieusement? Et puis, comment ça on va trop loin? Parce qu'on n'est pas content? Parce qu'on dénonce des violences qui nous sont faites, qu'on subit réellement, qui sont documentées, qui sont appuyées par des études notamment sociologiques, des études gouvernementales. On s'appuie parfois sur des chiffres du gouvernement pour dire « bah oui, ça existe, c'est réel, ça ne sort pas de nos têtes ». Donc c'est bien gentil de venir essayer d'expliquer à des militantes comment elles doivent militer. Mais non, non merci, on n'a pas besoin de vos conseils. Vous sortez le slogan déjà et tout? Préparez le slogan, les meufs, parce qu'on va se mettre en mode. Clara, on va Clara, le slogan. Le long, le slogan. Les premiers collages étaient orientés féminicide parce qu'il fallait sensibiliser la population, les médias, au phénomène du féminicide, faire entrer le mot comme étant normal, ne plus avoir des articles de presse qui parlent de drames conjugaux. C'est un féminicide qui est fait en raison du genre de la personne, parce que la personne est femme, qu'il y a une question d'emprise qui est faite sur elle, de possession. C'est vraiment un type de violence faite aux femmes et aux minorités de genre. Elle le quitte, il la tue. Parce que la plupart des féminicides ont lieu au moment où madame part. À ce moment-là, il y a une question de possession qui fait que monsieur ne supporte pas que madame parte, parce que dans sa tête, elle lui appartient, et c'est le moment du passage à l'acte. J'ai pas badigeonné jusque-là. D'accord. On est à viol, là. Oui, ben, je suis pas d'accord. Ah bah, ça tombe bien. Je ne suis pas d'accord, je l'aurai enlevé. D'accord, bah du coup, on vous voit quand on sera enlevé, là on le sait, et après je l'enlèverai, comme ça on tourne. Ouais, d'accord. Voilà. Très bien, parce que vous bousillez tout le paysage. Il y avait aussi plainte refusée, femme tuée. Parce qu'on s'est aperçu que dans la grande majorité des féminicides, des plaintes avaient été déposées au commissariat. Donc il y a un réel problème qui venait aussi de la protection des femmes quand elles lancent l'alerte. Parce que c'est bien gentil de dire aux femmes de parler, mais elles le font. Elles le font depuis longtemps. Elles parlent. C'est juste qu'on ne les écoute pas. Parmi les premiers slogans, il y avait aussi « aimer différent de tuer ». On avait des slogans un peu choc aussi, qui reprenaient parfois, quand les familles de victimes étaient d'accord, le prénom des victimes, la date de leur mort et la façon dont elles sont mortes. C'est horrible. Mais non, mais on peut faire autre chose que salir les murs. Ouais, on a un peu tout essayé. Hein. On manifeste, on essaie de faire des articles, etc. Ça marche pas. Je vais de toute façon le faire enlever par la mairie. Madame, on milite juste contre les violences faites aux femmes. D'accord, mais il y a d'autres moyens que de détruire l'univers des gens. Vous avez réfléchi aussi, Geneviève Fraisse, à la notion d'égalité, l'égalité politique, et l'égalité qui faisait défaut entre hommes et femmes, et à repérer combien la notion d'égalité politique dans les penseurs du contrat social s'était faite sans penser explicitement la question du corps de la femme et de la sphère privée. Ah bah si, il le pense très bien. Rousseau le pense tellement bien qu'il sépare le civil du domestique, parce qu'il ne faut surtout pas que l'égalité rentre dans le domestique. Et la question de l'égalité est en jeu, mais on ne va pas le dire. Il dit c'est un sophisme, arrêtez de comparer le civil et le domestique, c'est un sophisme. Ben oui, mais justement, nous, les féministes depuis le début du 19e siècle, nous allons comparer et nous allons vouloir faire entrer l'égalité dans la famille, ce que la loi a fabriqué sur les 200 ans qui nous précèdent. Mais l'opérateur égalité, pour moi, c'est plus que ça. C'est-à-dire que du coup, ça me permet de lire ce qui n'est pas donné à lire, ou ce qui est contourné, ou ce qui fait obstacle. Et c'est valable même pour les recherches aujourd'hui, moins maintenant, mais il y a encore quelques années, certaines histoires, je pense à des histoires de la famille de ces derniers siècles, pouvaient ne pas comprendre que l'enjeu de l'égalité était un des moteurs de l'évolution de la famille, notamment au XIXe siècle et au XXe siècle. C'est un principe de la démocratie, l'égalité, on est d'accord. Mais en même temps, et puis c'est ça qui fait mal. Est-ce qu'on dit que la raison des femmes est la même que la raison des hommes? Peu importe le féminin, le masculin, tout ça, c'est pas le problème. Ce qui compte, c'est y a-t-il similitude? Vais-je faire les mêmes études? Et je remarque tout le temps que la génération de Simone de Beauvoir, qui est aussi la génération de ma mère, ce sont les premières femmes qui n'ont pas eu d'obstacles, à qui on n'a pas donné de limites quant à l'accès au savoir. Et c'est donc très récent dans l'histoire. Ça va faire un siècle. C'est à partir de 1920 qu'on commence à vraiment vouloir donc ce qu'on appelle l'égalité dans l'éducation, mais qui veut dire fondamentalement que produit l'égalité. Parce qu'on en fait souvent une coquille vide, mais il faut voir très précisément ce que ça, quel contenu ça a. Il y en a un, obligés de se faire des courtes échelles, d'aller sur les épaules des copines. Parce que quand les messages sont grands et qu'on a besoin de grandes surfaces et qu'on ne fait pas 2,50 m, on fait des espèces de pyramides humaines. Et on se surveille, on fait attention qu'il n'y ait pas d'accident. Et là, on en a pour 4 ou 5 lignes quand même. Donc ça ne se colle pas en 3 secondes. Et on s'applique. Ils y vont avec les doigts, il commence à faire un peu froid, ils y vont avec les doigts, sans les gants et tout. C'était Philosopher en bande de femmes. Avec Vinciane Després, Barbara Cassin, Isabelle Stengers, Geneviève Fraisse et les colleuses du mouvement Collage Féminicide Paris. Merci à Mathilde Bléza et Nina Faure du collectif Notre Corps Nous-Mêmes, dont le livre est publié aux éditions Hors d'Atteinte. Les textes attribués à Jean-Baptiste Botul et extraits de La philosophie ou l'art de clouer le bec aux femmes de Frédéric Pagès, ainsi que l'extrait de Trois Guinées de Virginia Woolf et l'extrait des Faiseuses d'histoire, Ce que les femmes font à la pensée d'Isabelle Stengers et Vinciane Després, ont été lus par Hélène Losseur. Prise de son, Olivia Branger, Frédéric Quéroux, Bernard Laniel et Yvan Turc. Mixage, Bruno Mourlan. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Diffy Mariani. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter avant de coller les affiches, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, pensez à travers champs. Mais en attendant, restez à l'écoute.